j'emballe ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Radio Campus Montpellier, 102.2. L'expérience sonore. Le temps. On aimerait toujours en avoir plus. Si seulement il existait un moyen d'échapper à ces contraintes et de voyager à notre guise dans le temps. Si seulement je pouvais remonter le temps. Les plus grands cerveaux du XXe siècle ont passé des dizaines d'années à tenter de faire de ce rêve une réalité, mais sans succès. Est-ce qu'il y a une fête rétro sur la station ce week-end ? Le voyage dans le temps est-il possible ? Et si c'est le cas, comment y parvenir ? J'ai pensé que ça vous ferait rigoler. Soit, bien, raconte-moi ton histoire, bonhomme. Oubliez le présent. J'ai trouvé dans ce vieux grimoire le secret d'une machine à remonter le temps. J'ai construit cette machine et me voici. Changer le futur. Alors comme ça, tu viens du futur. Ah non, moi je viens du présent, c'est vous qui êtes dans le passé. Jusqu'à ce que certaines personnes prennent cette idée au sérieux. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la première émission de Time Rider. Parce qu'on entend souvent dire que c'était mieux avant, on va prendre une heure pour faire un petit flashback, un petit voyage spatio-temporel pour se replonger dans une époque, dans des lieux, dans des ambiances. Chaque émission, son thème. Et pour débuter, on va s'intéresser à l'histoire de la radio via différentes thématiques. Aujourd'hui, au programme, les prémices du hip-hop sur la bande FM de New York à Paris. On va se replonger dans cette période où tout était nouveau, où la créativité était sans limite et où les activistes posaient les bases d'un nouveau style qui allait marquer plusieurs générations. La musique et la culture hip-hop apparaissent pendant les années 70 lorsque les block parties se popularisent à New York. Dans ces fêtes très populaires chez la jeunesse afro-américaine du Bronx, les DJ s'essayent à des nouvelles techniques et créent des beats à partir des passages instrumentaux et percussifs de leurs vinyles de funk. Cette technique vient de la musique dub jamaïcaine et est largement popularisée à New York par les immigrés originaires de Jamaïque et des Caraïbes, comme DJ Kool Herc, appelé le père fondateur du hip-hop. Les MC commencent à poser leurs rimes sur les instrumentales pour ambiancer les soirées, toujours à la manière des sound systems jamaïcains. Le groupe The World Famous Supreme Team est un groupe de hip-hop américain. On y trouvait C-Divine The Who Mastermind ou encore Just Allah The Superstar, entre autres. En 1983, sur leur album Duck Rock, on peut trouver le titre Hey DJ qui ressemble à ça. See, we're living in a time of rock and roll. Hip-hop, new wave, and classical. Come on, everybody, turn your dial. Up and down, down and up, find yourself. Then set back, get your face out the tune. And let it make you roll, roll, dance you out the doggone shoe. Le World Famous Supreme Team avait aussi son émission de radio depuis 1979 sur WHBI-FM, une radio qui émet depuis 1939 de l'Empire State Building. Tout de suite dans Time Riders, on se replonge dans cette émission avec un extrait qui date de 1982, le World Famous Supreme Team Radio Show sur Radio Campus Montpellier. Vous écoutez Time Rider. I said you're up with the world's famous Supreme Team on WHBI 105.9 on your dial. At this time, I'd like to grab a caller on the air. Goes by the name of Little Just Allah. He's out there chilling out in the place to be. And he has some dedication that he'd like to make on this world's famous station. Little Just, are you there? Yeah, what's up? And I'd like you to go ahead and make those dedications very swiftly. Yeah, I want to say what's up to Rallo from Brooklyn, DR. Rallo's sister, DR. I want to say what's up to Boss Sean. He's chilling out. I want to say what's up to Boss and Shauna. All right. All right, and that was Little Just Allah. King. and Sha King. Yeah. And that's Little Just a Lot of Superstar chilling out in the place to be with the world's famous Supreme Team show. Now listen, ladies and gentlemen, we have something that we're about to do that has never been done before on a radio station. And we want to give everybody a big shout, a big dedication for our anniversary. And we want to thank y'all for listening. This is the world's famous Supreme Team Show. Show. Broadcasting live on WHBI 105.9 on your dial. Now, everybody, listen. Woo! Listen, listen, listen. Everybody, listen. Woo! Listen, listen, listen. We want to start the show off tonight by giving out some dedications. We're going to start in Brooklyn, New York. Call off places such as Fort Greene, Crown Heights, Red Hook, Do or Die, Best Die, Brownsville, East New York, Bensonhurst, Flatbush, Park Slope, G-O-D-I-N-C. Listen, we want to take you to Money Making Manhattan. Hit it. Say listen, uptown, downtown, lower east and west side, Harlem, 125th Street, Sugar Hill 8th and Amsterdam Avenue. Listen. If you're up right now and you feel like dancing. Hey, if you feel like dancing. Manhattan, come on and dance. I said Brooklyn, Brooklyn, if you feel like dancing. Brooklyn, if you feel like dancing. Come on, come on and dance. Let's go to Queens, Jess. Come on, see. All right, we want to say peace to the Hearst, which is first Corona, the owner, Jamaica, Boston, St. Albans, Hollis, Astoria, Queensbridge, and Rochdale Village. In the boogie down Bronx, the Grand Concourse, Jerome Avenue, Fordham Road, Bambata went to London, England. And I say, hey, Bambata, Bambata, Bambata, if you feel like, oh, if you feel like, salutes, come on, and woo. I say, rock steady, rock steady, if you feel like, oh, if you feel like. All the guys and nurses, come on and I want to say peace to Dr. Rock and the Force MCs. Peace, from Staten Island, yeah. Everyone in Park Hill, Stapleton, New Brighton, Brighton, Upstate, Mount Vernon, Yonkers, New Rochelle, Austin, Peekskill, Newbury, Beacon, Chilltown, JC, Patterson, Asbury Park, Red Bank, Teaneck, Newark, Philadelphia, Baltimore, Washington, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia, Georgia, Florida, New Orleans, Texas, California, Seattle, Canada, Europe, Japan, Asia, Africa, India, Egypt. And not only Egypt, but the entire world, because we're broadcasting live, broadcasting worldwide. Everybody's listening to WHBI, world famous Supreme Team Show, and we're throwing down live and doing our best time. Everybody's listening to WHBI, world famous Supreme Team Show, broadcasting live from Manhattan's West Side. Everybody's listening to WHBI, world famous Supreme Team Show, and we're throwing down live, we're throwing down worldwide. And that's right, we're throwing down live. We're throwing down worldwide. And so are you, because you're with the world's famous Supreme Team Showcase. It's the world's famous Supreme Team Show on WHBI 105.9 FM every Tuesday from 1 till 2 o'clock. My father told me, what is that? That in reality, You must be free. He's the world. Oh, where have now, listen to me. What are we going to? I'm talking to the world, the whole world. What are we going to do? World, what are we going to do? I'm talking to the world, I'm talking to the world. I like to start by saying peace to Allah and justice. Listen, each and every day, each and every way, I'm gonna show and prove and teach the righteous way. Peace, Allah and justice. The knowledge is the foundation, the wisdom is the way, the understanding is shows you that you are your wife's all and just feels and just as this, I told you, is a God. The power is the truth. Equality only shows you that you have plenty of room. And just as this, a little Jimmy, God came to be us of the righteous man. And how to get a deep on the glorious light. Listen, the knowledge of the Father is to life in you. To let you know the God is right amongst you. Here's what I want everyone to do. The whole world say, whip, whip, whip, then hum along. I'll do a little rhyming for you. Hit it. Whip, whip, whip. My name is C. Divine, and you know that I am one of kind. Knowledge, wisdom, and understanding. I'm the sun, and I am commanding the sun, the moon, and the stars. Each and every planet, including Mars. Said, I'm the sun, you're the moon. I plant my seed into your womb. That represents the beginning of life. That's number one, that's twice as nice. That's twice as nice, that's number one. A seed that's governed by the sun, moon, and star. No matter how far in the galaxy that you may be, from Pluto clear to Mercury. When you open your eyes, I'm the sun you see, shining through the universe, shining last, shining first, shining, rhyming, I've got the diamond, come on folks, help me with this rhyming piece. Allah and Jesus, with this, Allah, Time Rider. And in every way, I'm gonna show, improve, and teach the righteous way. The knowledge is the foundation, the wisdom is the way. The understanding, so it shows you that you are on your way. Culture is our God, the power is the truth. Equality only shows you that you have planted the root. God came to teach us of the righteous way. How to build to be born on the story is that the knowledge of the cipher is to enlighten you, to let you know that the God is right amongst you. All things, Allah, everybody got to sing it. Isn't it so nice listening to the world famous Supreme Team Show at 19 minutes after 1 in the morning? And we're on there every Tuesday night from 1 to 2. And I'd like to thank everybody for giving us a call in London, England, because a lot of people thought that we really wasn't there. But they called us, and you can call us anytime we're on a world tour. We will always leave the telephone number where we may be in case you need to get in touch with us or something of that nature. And right now we have a little song by the Young Supreme Team. You all know it, so everybody can sing along. Time Rider. Time Rider. And that's the Young Supreme Team kicking it live in New York City for all our Supreme Team listeners. Now we're going to kick it real live with some world's famous Supreme Team breaks. Check this out. Time. Time Rider. C'était à New York sur WHBI-FM pour le World Famous Supreme Team Radio Show de 1982 dans cette émission spéciale sur l'arrivée du hip-hop dans la bande FM. C'est Time Rider sur Radio Campus Montpellier. Et maintenant, on va revenir dans l'Hexagone et s'intéresser à un des acteurs majeurs de l'explosion du rap, du DJing ou encore du breakdance. Patrick Dutheil, a.k.a. Sydney, a été une des premières personnalités médiatiques françaises de la culture hip-hop, le premier animateur de télévision noire en France et le concepteur et l'animateur de la première émission de télévision au monde entièrement hip-hop, j'ai nommé HIP, HOP. Le générique, ça ressemblait à ça. En 1981, il se voit confier une émission quotidienne de 22h à minuit sur la radio libre Radio 7, d'abord consacrée au funk, mais qui vivra en direct l'émergence du rap et du hip-hop. Ce sont les premières émissions régulières consacrées au hip-hop en France, aux côtés de l'émission de Lionel D sur Radio Nova, qui deviendra quelques années plus tard Dynastyle avec Dynasty. Radio 7 était une station thématique du groupe Radio France. Sa cible était un public dit jeune. Radio Public, elle a émis sur la région parisienne de 1980 à 1987. C'est un petit peu comme l'ancêtre du Move. Pour la suite, on remonte en 1985 avec un extrait de l'émission Rapper Dapper Sniper de Sydney sur Radio 7. Vous écoutez Time Riders sur Radio Campus Montpellier. Let your body rock, you say. Hip hop, the hip hip, the hop, the hip, the hip hop. C'est la bonne situation. Tous les jeudis soirs, tous les jeudis soirs, de 8h à 10h. C'est comme ça que c'est bon. Bébé, je te le dis. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Well, Mr. DGB is in the house, Ben. 23 ans aujourd'hui, run on brother and sister. Il a amené le Coca-Cola et le pif du pot. On a besoin de ça, alors tu t'accroches bien, baby, comme nous. Je sens que tu sens, je te ressens derrière le poste. J'ai besoin de toi comme ça, mais tu m'écoutes. Mais plus pour les niveaux, il est pas 22h. On a besoin de Toto et tous les fournisseurs. Yeah. Michel Espéronzon, celui qui fait le son. Michel Espéronzon, celui qui fait le son. J'ai besoin de lui, il est près de moi comme un poison. C'est lui, Michel Espéronzon, je te le dis. In the series, oh, you need to do the real rico. Tu vas sur le vinyle, comme ça, je te le dis. Tu sais sur le vinyle, avec moi c'est real, real, real, real. Avec, on a besoin de tir sur le vinyle. Comme ça, oui, c'est fragile. Don't stop it. Yeah. Now my great known for jamming on the party time. You got our brother and sisters in the house. See, yeah. Okay, beaucoup de frères et sœurs sont venus à Radio 7. C'est comme ça, c'est cool. Le jeudi soir, je crois qu'il faut faire la fête. Le rap, le scratch, le rap dap snapper and Radio 7 is really international. Il faut que tout le monde soit là. Okay. Bien, give it up. Elle s'appelle Julie. Elle est venue ici à quatre pattes. Yeah. Julie, elle est blanche, elle est toute mignonne. Ah, Julie. Julie, c'est un chien, tout simplement. Elle est venue me souhaiter un bon anniversaire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y'a Jérôme ici. Y'a Jérôme ici. Well, c'est la nation Zulu. Hey, Bonnie. Yeah. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. Hey, wanna motherfuckers. Everybody needed somebody to feel, somebody to feel, somebody to move. Oh, come on, everybody, let your body go. Just let the pocket move because we need something by the chance. Say how S-M-U-I-U-A-R-I. I just see and to do this more thing because everybody needs more thing. The hip hop hopper gonna turn your head. I don't, you don't mess. Just put your glass on the wall. Just put your back down to the ground. Spin your back, baby, up on the floor. And do your best, baby, to the big man. Spur, squeeze, body, popping, baby. You can't close your eyes, don't fake it. Five, give the message to your microphone. Everybody needs the house. Just rock, rock, rock the house. Just shut the house, bass. For new bass. Yeah. Freeze! Yeah, baby! Yeah, we know. Just say, wiki-wiki-wiki-wiki. Wiki-wiki-wiki-wiki. You see? Wiki-wiki-wiki-wiki. Do you remember? Wiki-wiki-wiki-wiki. You see? Wiki-wiki-wiki-wiki. You say? Wiki-wiki-wiki-wiki. But don't stop, man. Wiki-wiki-wiki-wiki. You see? Jam! The gem of revenge is not finished. The gem of revenge is on the one. Baby, tu bombes le dos et tu pousses des effets sur le jeu de jambes. Même le coup de tête au travers. Ça sera du secteur in the stereo. Everybody must tune, tune, tune sur le dos. Et je te le dis, baby, in the stereo. Et je te répète encore, c'est le good radio. Are you ready, Mr. Cine, for the lakeside situation? You ready for the lakeside situation? Ding, ding, dong, da, ding, ding, ding, dong, dong. Ding, ding, dong. Ecology, sensuality, and don't stop, y'all. Intelligence, alors que tu sois sur la plage, ou bien dans ta cité. Surtout, reste bien branché, c'est sur Radio 7 que tu vas craquer, tu smurfs du rap, tu vas écouter, c'est super, c'est sympa, c'est super. Tu te l'as dit, Yes, que tu sois sur la plage ou dans ta cité, surtout reste bien branché. Oui, toi là-bas sous ton cocotier, surtout reste bien branché. Surtout reste bien branché. C'est sur Radio 7 que tu vas craquer. Du smurf, du scratch, tu vas écouter. C'est super, c'est sympa, c'est ce qui te fait. On the run, get down, petit girl, and be cool down. Mr. Ben, you introduce a crash in the microphone, especially for me tonight. Radio set, it's your man, my man, it's Kenny Free. It's all, hey, come on, everybody, let your body go. I don't, you don't mess me too. Ha, ha, ha, ha, but don't stop, you see the hip hop, and let your body rock. Come on, you, nobody bigger stop, cause I be here for that, but don't stop, man. You can rock, and you don't stop, rock with it, then let your body rock, it's in there. It's very awesome. Pardon. Jam on revenge is on risk to you guys. En 1985 avec Sydney, un grand monsieur du hip-hop, donc c'était sur Radio 7. Et vous écoutez toujours Time Rider sur Radio Campus Montpellier. Pour la suite, on va s'intéresser à Pete Rock, de son vrai nom Peter Phillips. Né le 21 juin 1970 à New York, il est un producteur de musique, rappeur et DJ. Il peut aujourd'hui être considéré comme un des grands noms du hip-hop, au même titre que DJ Premier par exemple. Son style entre soul et jazz est facilement reconnaissable. Il a produit de nombreux morceaux pour des légendes du hip-hop comme Public Enemy, Run DMC ou encore The Notorious B.I.G. Pete Rock en 1992, ça ressemble à ça. I catch your body at a party, sort of herbal with the verbal. Look up up and see the vultures fly around in a circle. Bagging while you're lollygagging, ragging, toe tagging. Assassin with the millimeter roars of a dragon. Here stood the black hood, thirsty for the ends. And for the love of money, kind of funny new friends. Public housing, a thousand in a tent. Someone forced to sell hell just to pay the rent. La carrière de Pete Rock débute à la fin des années 1980. À cette époque, il officie en tant que DJ aux côtés de Marley Marl sur WBLS, une radio new-yorkaise, dans l'émission In Control. On va donc se téléporter en 1989 sur les ondes de WBLS, qui émet sur New York depuis 1951 sur le 107.5 MHz. Avec Pete Rock et Marley Marl aux manettes, c'est parti. Checking, James. Hey, James, count the four. Count the four, James. Yo, not three, four. Go to four, James. Yeah, there it is. It's funkin'. 107.5 WBLS. James Brown in the background. Jim from Mount Vernon on kicking to Kev, Larry, and I born. And Kokomo Joe. Kokomo Joe in a place to be. 55 Posse. AG1, kick it out to them. He from the Bronx Wiz. White Wiz from the Wiz Kid from Canarsie. He just was up here. He wanted to kick it to who? DJ Majesty and Izzy Ice in the place to bay. DJ Speed from Mount V. Wanna kick it to, wanna say happy birthday to Nene. Yeah. The wife from Brooklyn wanna kick it to Vanessa. Chris from Yonkers wanna kick it to Walt G and Lou Rock. Lou and Rock. That's right. Lou and Rock? Yeah. Alright, Lou Rock, Lou and Rock. Alright, Marvin from Queens just wanna kick it to anybody. Fonte from Manhattan wants to say what's up to his brothers Ramel and Shamel. Andre out there in Queens wants to say what's up to Kathy. And before we go on any further, we'll say happy birthday to my man Big Word. Trash. We gotta kick it. We gotta kick it. Happy birthday, Trash. Birthday tomorrow. At the end of the show, we're gonna give him a little something. Right. You wanna kick it to somebody before we go? Come on up to the mic, yo. I wanna give a little shout out to my man Robert Williams. He's definitely in effect. My man Wiz Faris, my cousin Khadidra, my cousin Zay, Anthony Tracy, my whole family, aunts and uncles, grandmothers, whatever. I want to say what's up to, wait up. What up? What Tim, up? My man Tim, 40 Buster Tim, my man Elliot, my man Jay Buddha, my man Lameek and Mad Mark, Tashin, Poet AD, my man Marley Mall, my man Lil G, P Rock, my man Aquel, Joe Fatal, and his mother Mabel, Joe Fatal, Joe's definitely my man Black J, Hot Day, my man Darren, my man Tyler, my man John Livingston, my man Juice, my man Shabazz, and I'm outie. Hey. Yeah, I'm gonna kick it to my man Lil D. Lil D from out there in Malvin. He wanna kick it to all the ladies. Couldn't make it tonight. Well, he wanna kick it to Lil Marcus. Jump shot too many. Lord, I wanna kick it to the Big Daddy Pimps up there in Malvin. They in full effect. The next half an hour goes out to the Big Daddy Pimps. We're gonna come back with something a little funky. Isn't the message in the music? We're gonna come back with something funky new from Trav right after this. America's greatest city. New York's greatest radio station. Time Rider. Time Rider. Time Rider. Time Rider. Time Rider. My town named Richie Luke. He was beaten to death by the red, white, and blue. I can still hear the siren sound, and I hate it. Headlines read, what does crack have to do with the life that's being taken? Drugs that one is using or money that one is making. No one could bear the pain of his mother. I know it hurt it. The thought of a son being beaten then murdered. Too late to turn the other cheek now, cause I'm bothered. This little girl's gonna grow without a father. And all we could do for Brother Rich is say peace and make sure the killing cease. If we don't have justice, there is no peace. No peace! This is the message you're sending me. Killing my brothers makes you my enemy. Another man's heaven is a black man's hell. If you think he's not your enemy, then time will tell. Cause America's a prison and we wanna be released. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. I speak for my descendants. Africa deserves its independence. Unity is strength, separation is solution. There's no such thing as a peaceful revolution. So let's all fight for the motherland. Man, woman, and child, woman, and man. Abortion or birth. You tell me what's sweeter. Who knows, you could've just killed a young black leader giving birth. It's a beautiful ability. Sex should be safe if you lack responsibility. Strength is the son, support is the daughter. Abortion is murder, cold-blooded slaughter. A woman should be tried and prosecuted when an innocent life is executed. Before you lay down with the man, think of results. Abortion is a sacrifice, as in a cult. Uncle Sam pays for college, war is skill. Your mind's programmed with a desire to kill. Uncle Sam declares war on the Japanese. For black, you never bled, but for white, you bleed. Black children grow in a world like this, where they kill black leaders and activists. Public housing is prison, so get out of the place. Welfare is the system, hold back the black race. Power for people, progress converter. Welfare is economical murder. Physical and mental murder must cease. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No the bridge named Richie Luke. He was beaten to death by the red, white, and blue. I can still hear the siren sound and I hate it. Headlines read, death was drug related. What does crack have to do with the life that's being taken? Drugs that one is using or money that one is making. No one could bear the pain of his mother. I know it hurt it. The thought of a son being beaten then murdered. Too late to turn the other cheek now cause I'm bald. His little girl's gonna grow without a father. And all we could do for Brother Rich is say peace and make sure the killing cease. Cause if we don't have justice, there is no peace. No peace. This is the message you're sending me. Killing my brothers makes you my enemy. Another man's heaven is a black man's hell. If you think he's not your enemy, then time will tell. Cause America's a prison and we wanna be released. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. No peace. 107.5 WBLS. WBLS in the place to be. Who we got in the house tonight? Got DJ Run in the place to be. Run, what's definitely up? What up, Run? How you, man? Chilling, man. I got in. You in. They told me to step over there. Neck with the mic. Grab that one. Ever since I walked in. He told me, yo, sign your name. And I started to do it without looking. And I said, who's going to beat us up? We don't Time Rider. So he walked in here now. Try to talk to him over there. And he grabbed me and pushed me over there. Over there. Got his hat backwards. And he'll definitely beat me up with a smile on. But, you know. Sometimes they beat you down with a smile. Thank you. That's cool D. Yeah, my man. Already beat me up. So what's up, man? Hey, yo. So, yo, what's up, bro? Chilling, man. You know what I'm saying? We telling you to pause. You know pausing what I'm saying? It? We telling people to pause. We ain't telling you to stop completely. We're in the corner. We just pause with that all. You know what I'm saying? And let's go the other way. Let's make a change. I done said it on the one stage. I said it here. Change make dollars. And dollars make a whole lot of sense. You know what I'm saying? Because we got a record coming out, Marley. You know we made a record together. Yeah, well, me and D just got in the car, drove over to your crib, maxed and relaxed for a minute, tried to make something and made something. Uh-huh. And you've been giving a little piece every week. Look, hey, my name is DMC. Chilling in the studio with Marley. Marley said, when are you going to drop it? So we going to get together and we going to drop it, right, Marley? You know it. It's called Chilling in the Studio with Marley Marley. This is the intro. All we have is the intro on tape right now. This is, you hear it. Go ahead. All right, y'all. I came here to rock you all. I'm sitting in the studio with Marley Marl, and we're going to have a ball. Now check this out. There's a couple of words I want to say before Run DMC and Jam Master J start to play. So let the beat drop, non-stop hip-hop, king of rock. Time Rider. Right, that's the intro. We start to play, like intro. That means I started. Well, we don't got the rest of it here, but yo, we gonna be playing it. It's going to be on your new album. Yeah. A lot of people call and say, yo, what's that thing with Run D and the pianos in the back? It's real funky, but we ain't going to reveal it. We ain't going to reveal it. You ain't going to reveal it. What's real funky. We had a good time making it, you know. Uh-huh. So after I left your crib, I had to go look for that phone you had, you know. Took me a long time. I found it way out, way far away. What, that cordless? Yeah, I found it. And it still don't work, so it must have been yours. But yo, I want to shout out to my wife, Valerie. Uh-huh. She's at home, getting ready to make another baby, have another baby. Oh, she's ready to have another? That'd be number three. Number three for Run? Yeah. Yeah, so I just got to go home after this and chill. Got my man Divine with me. He got a record out called Be Cool Kid. So, where's it at? You didn't bring it? Nah. He said he gave you a four. You gave me four? Oh, I'm going to shut up. And then we got Ice right here. Ice is Death. He was talking about him last week. He produced a lot of Ice's tunes, and I produced a lot of Divine's tunes, and we got a record label called In God We Trust. Uh-huh. So, you know, people ask me, you got a label? And I keep saying no, and they keep saying why. I said, it's God's label. You know what I'm saying? Uh-huh. You know what I'm saying? It's God's label. So you can call it, you know, In God We Trust, or you can call it Social Services or whatever, but it's a label you can trust in. You know what I'm saying? Uh-huh. We ain't out to jerk nobody. Uh-huh. We come to help. You know what I'm saying? Help is on the way. God is on the way. In God we trust, and in Jesus' name, I pray. That's cool. All right, Run, thanks for stopping on by. Amen. Good to see you, man. Reverend Run Love, checking out. Peace. Back to P-Rock, end of story. He can't stop it. Here again is the program director, Rob Fletcher, etc. Time Rider. Yeah, c'était Pete Rock et Marley Marl en 1989 pour l'émission In Control sur WBLS. On était à New York et on va continuer ce petit voyage radiophonique sur les terres du hip-hop. Et on va maintenant revenir en France. La folie hip-hop envahit toujours l'hexagone portée par les graffeurs et les DJ sur le terrain vague de La Chapelle. Ces premières block parties parisiennes vont donner naissance au rap français, ce style qui va plus tard révolutionner l'industrie musicale et squatter les plus hauts placements dans les charts. Le premier média à avoir largement popularisé en France la pratique du rap en français est certainement Radio Nova, par l'intermédiaire d'une émission de radio diffusée de la fin de 1988 à la fin 1989, le Dynastyle. Animé par le rappeur Lionel D, mixé par DJ Dynasty, l'émission diffusait les dernières nouveautés de rap américain et organisait une session de freestyle par laquelle une grande partie de la scène rap parisienne de l'époque a pu se faire connaître. MC Solar, Passy, Stomy Bugsy, Assassin, Supreme NTM, Dynasty fait encore partie de ces DJ de légende capables de faire découvrir des perles funk et hip-hop dans des sets old school. On le voit d'ailleurs assez régulièrement sur Montpellier. Le Dynastyle sur Nova, c'était tous les vendredis de 20h à 22h, le seul endroit de France où on pouvait s'exprimer. À cette époque sans internet, l'émission se diffusait dans tout l'Hexagone par les copies cassettes, de Marseille à Strasbourg. On va, pour finir cette émission, s'écouter des freestyles enregistrés à la fin des années 80 et au tout début des années 90, la grande époque de Radio Nova. Vont s'enchaîner entre autres au Mike, le Supreme NTM, Passy, Rico, Moda ou encore Lionel D. C'est parti, le Dynastyle sur Radio Campus Montpellier. Supreme, Supreme, Supreme, Supreme, tu sais quoi, Supreme NTM sur Radio Nova, ça va? Ouais, ça va. Ça va. Ah, ça va. Alors si vous voulez commencer à délirer, il ne faut surtout pas Supreme NTM vous gêner. Ok, c'est parti, tous les toys à vos pupitres. Encore au contrôle NTM. Ok, NTM au contrôle ce soir sur Nova pour rétablir la situation. Relevez le niveau du rap sur Ripa. Ça vole bas. Ok. Donc, détonateur est enclenché. He goes. Le fond qui flotte, le style est une dot pour la génération à venir. Donc de pire en pire, ma prostate tire. Car le poids légendaire de son tempo, dosé à souhait, doit te donner la sensation d'être léché. Alors bouge, danse, avance dans la groove car je donne pour que tu bouges. M'impose puis prouve que le rap en français fait autant qu'en anglais. Yo, alors reste là, près de moi, car aucun faux pas ne sera fait. Ma langue, ma plume, rime après rime, sonne d'un ton. Laisse l'anglophone, yo, prouve que tu danses. Donc toute première dédicace au 93, ni ta mère Passy. Au 93, Mafia Crew, Akiz, Akar, Akea, Akas, ta fame, à marche. Et à tous les clubs Saint-Denis qui nous écoutent ce soir. Ah mon homeboy, Rocking Squad Car. Ok, je crois qu'on va pouvoir DJ repartir. DJ Fly D, donc. Certi de ma voix, ma musique est digne, associée en qualité et prétention. Yo, faisant l'apothéose, elle dose. Oui, elle crée le litige car elle est l'offense à toutes ces merdes produites en France. Paris funky, le nord hardcore, ma voix c'est scratch. Sans relâche, le style arrache, sans relâche. Donc, effaçant tout espace, je m'affiche avec audace. Yo, hit bidon, faites place. 1, 2, NTM t'en lasse. 3, 4, toujours avec classe. Échappe à tout contrôle, entre dans la danse, écrase la cadence. Tu sens ma puissance. Donc danse sur notre avance. Danse plus fort, niveau hardcore, danse encore pour un nouvel essor. Yo, danse sans cesse, car ceci n'est pas une messe. Et pourtant mon apôtre s'appelle Détonateur S. La prouesse est maîtresse, effaçant toute limite à faire bouger ton corps. Donc toi devant ton transistor, bouge plus fort pour le Nord. Le beat te réclame, il vient de Paname. Sens-tu la puissance de son tempo? Je pense que oui, puisque tu bouges. Quel que soit ton niveau, monte plus haut. Accède au top, diversifie tes phases pour que tu gages. Je sens émaner de mon corps un trésor cousu d'or, c'est la force du hardcore. Yo, prends pour que tu danses. Donc toujours en pleine dédicace, ODP, mon frère Tosco, okay. Yo. Spécial dédicace à Lady V, aussi au P.O. DRC, TCG, FUP, TKC, Monster Case, Crazy Bow. Ok, à Emilio, ONTM, à Colt, à Mod, à Romeo et Chino. Donc, on redonne ça encore une fois. Ok. Oui, Joey Star, supprime ta mère, relançant le flow, aliénant l'orchestre, instigant, créant à tout moment le style. Donc exécuteur des hautes œuvres sur ce beat funky, en moi est la flamme du triomphe illuminant le tout Paris, détrônant le DMC. Yo, ai-je le niveau? Sans problème, mon boy Joey Star. Reine en main, je repars, le lyrique s'est affûté tel un dart, injectant sa saveur, attirant ton regard, car mes mots sont la potion pour que tu danses. Donc, en transe, tu danses, toujours avec une large avance, la cadence se corse, nique ta mère avec force. Ok, je crois qu'on va pouvoir repartir. Bon, maintenant je vois que tu as bien compris. Si tu danses, c'est grâce à son big funky. Écoute, c'est pas ce qui t'agresse, qui te plaint, qui te presse, qui te dresse et se blesse sans cesse à l'insu du stress. Devant toi, il est là pour élever le débat. DJ S, suprême. En prouesse, en partance pour l'ivresse. Délivrant en cadence, des scratchs dont l'insolence n'a pour seul but en fait que de faire mouvoir tes sens. Yeah. Yo, prends pour que tu danses. Ah. Donc, toujours en pleine dédicace. Okay. Le 18ème, les abbesses. Les banlieues du Nord, Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Sarcelles, Drancy et toutes les autres. Mon boy Hilaire, mon boy sans couille. Donc, c'est reparti. Domptons le mot, créons le show. L'heure est au donneur, les couilles sont à la bonne hauteur. DJ S pour ta face, l'omniprésence est totale. Il orchestre avec style, élargissant sans retenue ma prétention, mon emprise. Yo, maîtrisant chaque bruit, chaque effet sur Radio Nova ce soir. En stéréo, car nous sommes des pros, ok. Je vais reprendre pour finir, car NTM, encore et toujours, authentique et je reprends le droit. Car ceci est un faire-part pour une dose, une leçon pour qui ose. En un geste, trois mouvements, DJ S couche NG. O-E-Y-S-T-A-R vous laisseront à terre. Alors notre prose n'a aucune saveur, car je ne cache pas ma rancœur. Mes mots brûlent, écrasant tous les hits, mystifiant toute limite. Un degré de rime sublime. Ok, ok, ok. Donc, c'est fini ce soir. Je crois qu'on a donné la après blessure. Après le crachant, la tempête, Cerati part. On retourne dans le nord. Ok, les Supreme NTM. Avec des mots bien travaillés, bien calculés, pour faire du rap quelque chose que tu aimes, que tu puisses apprécier sur cette FM de Sono. Radio Mondial, c'est ce qu'il te faut. DJ Dynasty, in the place to be. Commence à mixer sur ce tempo-là, j'improvise ici même sur Radio Nova. Je vais en profiter pour faire d'autres dédicaces dans ta face. MC Remo et son frère Pirate. Dédicace pour vos faces. De la part de Léna, pour Mohamed, pour Creed, pour Eric, pour Cléon. Tu déconnes? Mais non, c'est sur Nova. Pour Joël, de la part de Stop et Anks, Fact and Science. Maintenant, si quelqu'un veut la parole, oh pardon, j'ai pas fini, pardon, écoutez ça. Pour toutes les nanas qui se la jouent, alors écoutez. Toutes les meufs qui sont en train de m'écouter, alors oui, soyez attentifs, je vais vous exploser. Vous nous prenez en ce moment pour des pigeons, mais regardez vos têtes dans du bruit, c'est bien la saison. À nous maintenant de vous maltraiter, car oui, ces derniers jours, vous nous avez bien allumés. Mais maintenant, tous les mecs, on va bien dégainer. Alors je te la dis, les meufs, on va faire gaffe à tes effets, car vous êtes tous les mêmes. Oh oui, vous aimez ça, dès que vous avez goûté, vous faites des dégâts. Quand vous avez un mec auquel vous tenez, vous êtes capable de tout, même de vous suicider. Quand c'est fini, j'en ai rien à faire. Mais quand tu rentres chez toi, c'est la misère, colère. Alors merde, arrête de t'habiller si court. Parce que moi si je t'attrape, baby, je te fais la cour. Fini les rigolades, ouvrons les accolades. Vous passez votre journée à vous raser la salade. Oh oui, c'est bien ce que je veux dire. Regarde un peu ta caquette et tu vas saisir. Allez, toujours tes lisses, c'est brillant et c'est douce. Que maintenant, oh non, je n'oserais même pas mettre mon pouce. Mais restez un peu du genre naturel. Vous êtes toujours là à vous donner des ailes. Et vas-y, si je me rase les cuisses et puis plein la gueule. Du rouge à lèvres, du fond de teint jusque dans l'œil. Mais franchement, vous croyez que ça nous fait bander? Eh bien, détrompez-vous, oh oui, c'est raté. Alors le tempo, tu vois, il reprend. Mais toi, dis-toi bien que moi, je suis délirant. Là, j'improvise, oh oui, pour te faire voir que moi je suis Rico. Ce n'est pas le désespoir, ça y est, le micro, comme tu vois, je le lâche plus. Je suis Rico, oui, tu m'as reconnu. Alors si quelqu'un veut prendre maintenant ma place, il n'y a pas de problème comme de là-bas. Ah ben je fais comme bien ça fait. Je continue, y a pas un petit gars que sur le jeu ça fait. Je continue pas le rabat de salé à Yamoda. Je te l'ai dit, ah ouais, maintenant qu'il veut continuer. Alors va des modas, ah ouais, vas-y continue. Je suis une moda, alias le rappeur rebelle. Et où que je sois, je rappe pour Sarcelles. Car j'ai longtemps galéré, ne trouvant pas mon rôle. Et maintenant que je suis prêt, je serai ton idole. La nation se développe, à chacun sa place. Lui partout en Europe, je rappe et laisse ma trace. Et si je place beaucoup d'espoir dans le rap français, c'est parce qu'il me donne le pouvoir de tout massacrer. Lui fier de mon talent, je suis un destructeur, mais avec de l'entraînement, je deviendrai tueur. Je ne suis pas coupable et c'est ce que je plaide. Par contre, je suis capable et j'ai pas besoin d'aide. Le style agressif et le langage sauvage. On peut me croire nocif et dire que j'ai la rage. Mais mes rap parlent d'amour et de vie. J'ai des déjà fait le tour de tous tes ennuis. Alors réfléchis bien et prends-en la grève, car le rap m'appartient et c'est sur lui que j'enchaîne. Tous ces mots qui te font décoller et que sur n'importe quel tempo tu ne pourras oublier. Ok. D'accord. Ouais. Ouais. Cette triste aventure du meuble béton Morgane, à la suite de dictature d'un petit peu de vanne. Imaginez de l'atmosphère des love dimensions qui s'arrêtera en galère, en stupéfaction. F.I. une rencontre brève, inimaginable. Un renoi au style de rêve, sorti d'une fable, venant lui parler un séjour comme il en existait. Et pour elle, la folle histoire d'amour a commencé. Lui disait que c'était réel et bien véritable, une métisse sensuelle, hyper admirable. Leurs yeux se sont croisés dans la capitale lors d'une journée d'été, tout à fait normal. Un peine de mots, le cours, c'était optimal. Pour ces personnages, l'événement était spécial. Le mec est trop de joie, son lait chez lui, baby. Imaginez ses coups de grâce et ses pensées divines. Quelques mois passés, le sage de sa copine, le mec s'éclatait, elle, c'était sa machine. Cette pauvre mode, aux yeux ensorcelés, avait pécho pour clos des billets Paris Saint-Tropez. Pour lui, le mois d'août était assuré, mais ayant marre de la carotte, il ne voulait plus y aller. Scénario, prise de tête, inconditionnement. Cette fille lui disait, il le faut absolument, jusqu'au cassette qu'elle lui envoyait couramment, que tu ne chances sans je t'aime en sortie tendrement. Après les messages de cette cassette, suivi des lettres, des cadeaux et même des gadgets, pourvu que son mal tombe en extase pour une meuf qui chiale, qui sort de belle face. Début du mois de juillet, le mec avait craqué, à force de refuser, il avait accepté. Le voyage sans scène pour les deux colombes, la plage de 2 semaines, c'est là que le mec succombe. Ce fut l'engueulade d'une meuf trop amoureuse qui arrivait au stade même, trop ennuyeuse. Carnage sur la plage, en balade, dégage. Le mec parti, pour lui, ce fut la fin. Dès le retour à Paris, coup de téléphone, ne déplore des pourquoi des tu me le pardonnes. Et même, et encore dans cette communication, revenait une chanson digne de son imagination. Yes, ouais. Cette triste aventure du meuble béton Morgane s'est terminée en Côte d'Azur, pas loin de la ville de Cannes. Imaginez des gros romans, des love dimensions qui s'est arrêté en un moment de désapprobation. Styler a encore frappé les rimes de Passy, ont cartonné. Hey, hey, le style de Sarcelle est arrivé. J'en connais à Vitry qui vont pleurer. Mais ça fait rien, un jour ou l'autre on pourra se regrouper et tous ensemble rapper pour la paix et l'unité. Ok, d'accord, tu peux continuer encore faire le rag à ma fille. Tu peux même, si tu le veux, demander à ma cousine. Et peut-être même à toi en ce moment, toi le mec Rico. Tu peux improviser comme Lionel V sur ce tempo. Ok, de ça. Il n'y a pas de problème comme dans l'album, je vais improviser. Nous préparer quand je suis incontesté. De la ville au bêche, le dé, encore je suis rag à ma fille. Pas de problème, tu connais pas ma mère, comment ça l'est fait. Mosaline, tu la connais pas. Pas de problème, alors écoute, plutôt moi ça fait. Time Rider. Tu veux rapper alors, Time fallait Rider, me le dire alors. Ayant des mots pour te dire ce que je pense, je parle de ce qui est sans faire preuve de méfiance. La vérité explose avec des rimes qui s'enchaînent et je défends ma cause car les bobards me gênent. La plupart des pays riches roulent sans cesse sur l'or, alors que la faim dans le tiers monde est synonyme de mort. Europe, Asie, Amérique, Afrique, on devient de plus en plus esclaves du fric. Les mieux placés te diront que la vie est rose, mais tu regardes autour de toi et tu vois la même chose. Sarcelles, encore Sarcelles, c'est l'ennui qui règne. Les gens ont peur de ces banlieues qui craignent. La jeunesse se lasse, beaucoup trop de galères. Les bandes se chassent en se faisant la guerre. Heureux ou pas, tu acceptes ton sort parce que tu sais que les minorités ont tort. Je ne suis pas spécialiste ni expert en critique. Je suis juste réaliste, je n'ai pas peur des risques. Je ne suis pas spécialiste ni expert en critique. Je suis réaliste, je n'ai pas peur des risques. Ok. Ah, tu sais où tu vis, dans la banlieue, la galère, même de Vitry. Je connais ça, tu sais, et j'y suis né. Je me rappelle les keufs de mon quartier qui nous couraient après. Bien, je m'en rappelle encore, et maintenant, tu sais quoi, je les baisse, ces têtes de mort, parce que j'ai un nom. On ne peut rien me faire, et sans prétention. Et toi, oui, le mec rigole, tu veux nous le ragamuffin, comment ça si. Eh bien non, je dédicace ce rap à Boys. Boys, j'espère qu'il m'écoute ce soir. Alors, écoute. 1, 2, 3, 4. Je vois que quand je rappe, je te mets la patate. Il n'y a pas de problème, ah ouais, je fais partie des Razorback Café. Les Razorback, tu les connais bien. Pas de problème, ah ouais, mon gars, ce n'est pas des chiens. Je fais Ragamuffin dans la ville qui devient très utile. Ragamuffin dans la ville qui devient très utile. Fallait mais non, Ragamuffin dans la ville qui devient très utile. Pas de problème, comme tu le vois en parole, je suis agile. Y'a le man, man, je continue pour te montrer que là sur scène, ah ouais, mon gars, j'ai rien préparé. Mais comme tu le vois, ah ouais, en parole, je suis chômé. Il n'y a rien à dire, ah ouais, je vais te fillon. fiancé. Si tu n'es pas d'accord, tu me fais des remords. Mais écoute que je te mets dans la gueule, espèce de grosse mort. Je suis rico sur le tempo, mon gars, et n'y a pas de problème. Car oh oui, moi je fume aussi, ça me fait mélia, ça fait marijuana, ganja, ça me fait mélia. Oh mais je te le dis dans le micro, mon gars, ça fait trois, ça fait ça me fait mélia, ganja, marijuana. Je te le dis, écoute, oh oui, c'est pour toi. Alors maintenant, je vais reprendre en rap. J'ai rien à mon copain devant moi, il m'épate, il veut rapper, mais il ne peut pas le dire. C'est pour cela que devant moi, il pose ses soupirs. Moi j'improvise, tu vois, de toi à moi aujourd'hui. Ne dis pas que je suis un petit MC, car j'improvise ici pour te montrer. Je suis Rico de Sarcelles, à toi de rapper, es-tu d'accord? Alors que je taguine sur la voie ferrée, un putain de tremblant s'est mis à s'arrêter. Et au moment de le bomber, une bande de kidés s'est mis à me mater. Que peux-tu faire sans te taire en ce moment-là où l'agresseur tu le mates de haut en bas? Ça fait d'une paire de western du style Al Capone. Tu te dis, hey baby, c'est pas un G.A.B. Alors je deviens fou et je prends la fuite. Attends, et c'est pas tout, je te donne la suite. Je pique une pointe et les flics me suivent. Je fais des feintes, mais ils y arrivent. Alors je cours toujours et ils se rapprochent. Mais dis-leur qu'ils se voient s'ils croient m'avoir dans leur poche. J'enlève mon sac, je leur balance mes bombes. J'entends patatrac, là les flics qui tombent. Alors je m'éloigne quand on les a voir semés. Ils se manent pour tenter de me rattraper. Time Rider. On était sur Radio Nova à Paris entre 20h et 22h à la fin des années 1980. C'était le Dina Style dans Time Rider sur Radio Campus Montpellier 102.2. Pour cette première émission, on a pu voyager de New York à Paris du début des années 80 au début des années 90. Le hip-hop a largement squatté la bande FM de l'Hexagone et on aura l'occasion de revivre d'autres émissions cultes de cette époque. Dans d'autres émissions, cette époque qui commence à devenir lointaine. Et ouais, les années passent. Une époque où tout était à construire, où le hip-hop se crée une identité en mêlant l'innovation et l'inspiration dans ses racines que sont la funk, la disco ou encore la soul et le jazz. Une époque où les sampleurs existaient à peine, loin des ordinateurs et d'internet. C'est la fin de ce premier numéro. La rediffusion, c'est mardi à 18h. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines pour des nouvelles aventures radiophoniques avec Time Rider. Time Rider, Time Rider, Time Rider.